Chapitre 3e. Un train partait à 10h30. Le juge avait 10 minutes devant lui. Le temps de décommander son déjeuner, il gagnait la gare, montait en wagon, et 11h il était à Clermont, cheminant de son pied leste d'ascensionniste par l'avenue Charras et la place de Lille, vers la rue du Port où logeait le vieux praticien. Pacôte habitait, comme Cantelme, un de ces noirs hôtels de l'enseigne Auvergne, dont les lignes austères attestent la sévérité du XVIIe siècle, aggravée encore par la sombre teinte de leur lave. À 80 ans passés, il restait alerte, par la vertu d'une hygiène proverbiale dans la ville. Les pieds chaussés de fortes bottes à triple semelle qu'il ne quittait jamais, même chez lui, son long et maigre torse pris dans une redingote de drap brun à revers de velours qui lui servait d'uniforme, sa petite tête mobile d'aigle déplumée, émergeant d'une cravate blanche enroulée deux fois au-dessous des pointes souples de son col de chemise, les yeux aigus derrière ses énormes besicles toutes rondes, ce fantastique personnage achevait, quand Pingré entra, son frugal repas du milieu de la journée. Un bol de lait au grand matin, une tasse de chocolat le soir, complétait un régime dont il avait la coquetterie. « Je vous vois venir, » dit-il au juge, « vous faites d'une pierre deux coups. C'est jour de séance à l'Académie de Clermont. On en profite pour consulter le docteur Pacôte. Si vous mangez comme lui, vous n'auriez pas besoin de lui. » Et il montrait le plat de pâte à l'eau qui faisait, avec 2 œufs à la coque, des biscuits secs ou des fruits cuits, son menu quasi quotidien. Il avait mis dans son accueil une bonhomie gouailleuse que démentait son père sans regard, plus inquisiteur encore quand Pingré eut répondu « C'est vrai, il y a séance à l'Académie, je l'avais oublié. » Puis, rieur lui-même, « Je n'ai pas mangé beaucoup plus que vous aujourd'hui. » Il avait en effet, dans sa hâte, et pour être bien sûr de ne pas manquer Pacôte, tromper son appétit en achetant à la gare de Rion un peu de pain fourré de jambon et toujours sur le même ton de cordiale jovialité. « Ce n'est donc pas comme client que j'ai sonné à votre porte. J'ai dû pousser jusqu'à Clermont pour une affaire sans importance. Comme vous dites, l'idée m'est venue de faire d'une pierre 2 coups. Je voudrais vous consulter pour un travail que je me propose justement de communiquer à notre académie. » Pacôte eut dans les yeux un éclair d'étonnement qui n'échappa point au juge. Tout de suite, il avait compris que le médecin, directement ou non, savait toute l'histoire de Gervais Moreuil. Mais il la savait comme médecin, et il appartenait à la vieille école, celle qui professait la religion du secret professionnel. Nul doute qu'il n'attribua la présence de son visiteur à sa véritable cause. Nul doute non plus qu'il n'opposa à toute question sur les paroles prononcées par son malade devant lui ou derrière lui le plus rigoureux silence. Sur quoi le magistrat s'était soudain senti, comme avec le notaire tout à l'heure, piqué d'une émulation de métier. Lui aussi avait un secret professionnel à garder, puisque l'affaire n'était pas introduite et qu'il n'avait convoqué Pacôte ni comme témoin ni comme expert. En même temps, il avait une victoire à remporter, faire parler cette bouche fermée au repos d'un plissi volontaire. Aussitôt, avec la souplesse singulière d'imagination qui est celle des policiers nés, il avait conçu un moyen. L'allusion faite à cette académie de Clermont dont le vieux docteur et lui étaient membres le lui avait fourni. « Oui, » insista-t-il, « un mémoire sur le témoignage. » Les prunelles de Pacôte étaient devenues aussi ternes que les vitres dépolies des carreaux par lesquelles ce maniaque d'hygiène atténuait la lumière du jour dans sa salle à manger pour lutter contre l'usure de ses yeux. « À la bonne heure, » dit-il simplement, « c'est votre tour à vous autres, les jeunes, de collaborer à notre bulletin. J'ai justement fini. » continua-t-il. « Vous vous permettez ?» Et il passa dans sa chambre à coucher sans en fermer la porte. Pingré l'entendit qu'il se brossait les dents avec la conscience qu'il apportait à tous ses menus soins de santé, et revenant. « 1000 abages par jour, le matin, le soir, avant et après chacun des 3 repas, et voyez. » Il sourit en montrant sa mâchoire intacte. « Mâcher, c'est la moitié de digérer, » ajouta-t-il sentencieusement, et ouvrant une autre porte d'un geste cérémonieux. « Passez dans mon bureau pour votre consultation. Quoique je ne vois pas, Miette va nous y apporter le café, du vrai café, du mocha, comme Voltaire. Vous connaissez les vers de notre compatriote de Lille, celui de la place. Il est une liqueur au poète plus cher, qui manquait à Virgile et qu'adorait Voltaire. C'est toi, divin café. Humez ce parfum, » insista-t-il, quand la servante en serrait Auvergnat, à peine moins âgé que son maître, eut déposé sur un guéridon les tasses contenant le précieux breuvage, dans le bureau dont les hautes fenêtres donnaient sur un front et sombre jardin. humer, humer. Ça ne sent ni la chicorée ni les graines marines. Ce café-là n'a rien perdu de sa caféine. Ma recette? Je la fais torréfier à la poêle, comme les Turcs, et non dans un de vos brûloirs, où vous ne dosez pas le degré de chaleur. Je ne vous offre pas de fumée. Entre la nicotine et le docteur Pacote, il y a brouille à mort. Du sucre? De canne, bien entendu. Est-il pur? Je vous donnerai l'adresse du marchand à Nantes. Êtes-vous confortable maintenant? Comme disent les Anglais. Bon. Comptez-moi votre affaire. Quoique je ne vois pas, je vous répète, quelle lumière un docteur peut fournir sur un sujet où il est, par définition, incompétent. Et regardant Pingré bien en face, vous connaissez le serment hippocratique. Nous n'avons même pas le droit d'y manquer et de témoigner quand il s'agit d'un empoisonnement à punir. Si nous l'avons connu comme médecin ou d'un mariage à effectuer d'une jeune fille parfaitement saine avec un tuberculeux, par exemple. Je sais cela, dit le juge, toujours bonhomme. Mais mon mémoire doit porter sur la critique du témoignage, et j'en suis à étudier cette sorte d'individu que vous appelez, en médecine mentale, je crois, les auto-accusateurs. Un mot mal fait, ajouta-t-il en hochant la tête gaiement, pour bien indiquer une totale liberté d'esprit. Mais oui, auto vient du grec, accusateur du latin, c'est un de ces vocales hybrides. Qu'ils disent tout de même ce qu'ils veulent dire, répondit Pacote en buvant son café par lente gorgée. C'est très simple. Un mélancolique se fait des idées tristes, de ruines, de persécutions vagues, d'empoisonnement, de déshonneur. Qu'il se considère comme la cause de son propre malheur, il arrive à la culpabilité imaginaire. Mais comment reconnaître si cette culpabilité est imaginaire? Comment reconnaître qu'un aliéné est un aliéné? Dit le médecin en nous l'envoyant. Alors pour vous, le témoignage d'un auto-accusateur ne compte pas, non, puisque c'est un malade et qui parle dans un rêve. Pourtant, Lady Macbeth, fit le juge, elle aussi parle dans un rêve et elle dit la vérité. Une espèce de détente passa sur le visage de Pacote. Il eut un regard qui signifiait « Tout ce que vous voudrez sur le terrain scientifique, mon cher Pingré, tout ce que vous voudrez, mais pas plus loin, n'est-ce pas ?» Et posant sa tasse, il alla droit à sa bibliothèque. Il en retira un volume dont la couverture reliée en veau datait de la Restauration et, le feuilletant, étudions un peu le texte. Ça vous étonne qu'un médecin ait un Shakespeare chez lui? C'est quelquefois utile. Vous voyez? Dans notre profession, tout est utile. Bon, nous y sommes. Scène 19. En Écosse, Dunsinane, une salle dans le château, Lady Macbeth, la dame de service, le médecin. Écoutez. Les consciences infectées déchargent leurs secrets sur les sourds oreillers. Oh, la bonne formule, et qui prouve l'infaillible divination du génie, infecté, remarquez le mot. Qu'est-ce que nous disons d'autre, nous, quand nous parlons d'intoxication? Un auto-accusateur, ce n'est que cela, un cerveau intoxiqué de microbes infectieux et qui fonctionne mal. Pourtant, Lady Macbeth, insista le juge, eh bien, Lady Macbeth est une malade qui voit sur sa main une tache de sang non existante. À cause d'un crime qui a existé, lui. Soit, mais n'allez pas plus loin. Et après un silence, Pacote fixa de nouveau le juge, et pesant ses mots. Dans un procès intenté à Lady Macbeth, moi, médecin, et si ne l'ayant pas soigné, j'avais le droit de parler, je dirais. Ces phrases prononcées dans un accès de délire onirique prouvent une seule chose, qu'il s'est produit un fait dont elle a été violemment impressionnée. Les aveux proférés dans cet état de désordre intellectuel doivent être acceptés à titre de simple renseignement sur les préoccupations du malade. Encore une fois, il prit un temps. Insistez sur ce point dans votre mémoire, si vous voulez qu'il soit scientifique. C'est par les faits et objectivement qu'un témoignage doit être contrôlé. Mais, dans le cas de Lady Macbeth, insista Pingré, qu'appelez-vous une vérification objective? Celle qui porte sur les circonstances d'abord. Oui ou non, le crime dont elle s'accuse a-t-il été commis dans des circonstances qui rendent probable qu'elle y ait participé? Oui ou non, était-il dans son caractère d'y participer? C'est ici que l'hérédité, l'éducation, le milieu, l'âge, le passé interviennent. Oui ou non, se sait-elle soupçonnée? Si c'est non, l'aveu du délire prend une valeur énorme. C'est que l'obsession sort du fond même de sa pensée. Si c'est oui, l'aveu peut devenir une présomption d'innocence. C'est la preuve qu'elle ne peut pas supporter la honte de cette accusation. Il me semble, objecta le juge, qu'alors elle devrait protester, tout au contraire. « Et le délire, qu'en faites-vous ? » dit le médecin. « C'est un furieux afflux d'images non contrôlées qui envahissent le malade. Il ne les distingue plus de lui-même. Il devient ces images. » Quand il a su qu'on le soupçonnait, il s'est représenté vivement les conséquences de ce soupçon. Il s'est vu arrêté, jugé, condamné. Tous ces épisodes s'animent, se réalisent devant lui. Le départ entre sa personne vraie et celle que ses accusateurs incriminent n'est plus possible, et il avoue le crime qu'il n'a pas commis. Il croit qu'il l'a commis. Rappelez-vous cette sorcière brûlée à Clermont au Moyen-Âge et sur laquelle notre confrère André nous a lu une note si intéressante à l'Académie. Elle a confessé sa présence un sabbat qui ne pouvait être qu'hallucinatoire. C'était marcher au bûcher, elle le savait, mais elle délirait, et elle avouait un acte qu'elle n'avait jamais commis et qui la perdait. L'observation était très complète. Vous me direz, elle s'est rétractée ensuite. Oui, mais comment ? En déclarant qu'elle n'avait jamais fait ses aveux au tribunal même devant qui elle les avait faits. La torture n'a pu les lui arracher de nouveau. Sur quoi, vous vous rappelez ? Le vieux chroniqueur s'indigne. S'il avait un peu fréquenté le bois de Croc de son époque, il aurait su que cet oubli total est de règle après les délires. Quand la dame de service a demandé au matin à Lady Macbeth « Comment la reine a-t-elle dormi ?» Celle-ci a certainement répondu « Très bien. » Mais cet oubli n'aurait-il pas été simulé ? C'est peu probable. Des simulations de ce genre supposeraient une connaissance scientifique des troubles mentaux. C'est pourtant possible, et j'en reviens à mon principe, la recherche objective, celle du caractère d'abord. Est-ce à vous, le géologue, qu'il faut apprendre que tout se tient dans un terrain ? Si vous rencontrez dans votre limagne des sédiments argileux, argilo-calcaires ou marneux, c'est qu'il y a eu là une nappe lacustre. Un simulateur ne simule pas une seule fois. Les caractères changent pourtant. Il y a un premier crime ? Certes, dit Pacote. À vous alors de chercher objectivement encore ce que les astronomes appellent la troublante, l'astre qui produit une déviation dans la marche d'un autre astre. Là, et il eut son petit rire silencieux, il faut du diagnostic. Mais c'est tout l'art d'observer, le diagnostic, cette intelligence des rapports. Quand un monsieur vous raconte qu'il a une sensation de doigt mort, des crampes dans les mollets, une difficulté à se réchauffer, ces petits signes ne vous apprennent rien, à vous. À moi, ils me révèlent la néphrite, aussi sûrement que si j'avais ouvert mon bonhomme et vu de mes yeux son sein rétracté, rouge, induré, chagriné. Mais nous en revenons au témoignage, fit le juge. Votre diagnostic, dans ce cas, n'est que son témoignage interprété. Non pas, fit le médecin. C'est son témoignage vérifié d'abord et contrôlé par le pouls dépressible, le faciès blafard et bouffi, l'albumine. Au fond, il n'y a pas de problème du témoignage, il n'y a qu'un problème des signes. Mais, conclut-il en regardant la pendule, il est midi passé, je dois faire ma sieste. Vous savez, je me couche une heure, à ce moment-ci, tous les jours dans mon lit, et déshabillé, sans dormir. À 2 heures, je serai à la séance de l'Académie, je vous y verrai. Non, dit Pingré, je dois rentrer à Rion le plus tôt possible, pour une fin d'enquête. À la bonne heure, fit Pacote, vous êtes comme moi. Vous pensez à l'inquiétude de votre inculpé, comme je pense à celle de mes clients. Je ne les fais jamais attendre. Ceux qui se croient gravement menacés et qui n'ont rien, quelle joie de leur dire « Vous n'avez rien ». La même, j'imagine, que celle d'un juge d'instruction, quand il vient annoncer à un prévenu innocent qu'il n'a rien à craindre. « Allons, adieu, je vais chercher dans ces bouquins. » Il montrait sa bibliothèque de sa vieille main, cordée de rides. « Si je ne trouve pas quelques bons textes pour votre travail. » « J'ai là les 2 volumes d'Esquirol. Ils sont de 1838, et le traité médico-philosophique de Pinel est de 1808. Ce n'est pas d'hier, mais c'était des cliniciens, et la clinique ne vieillit pas. C'est ce qui la distingue des théories. Adieu, adieu, heureuse enquête, c'est-à-dire rapide et juste. »